Les autres, ils étudient, puis ils travaillent, puis ils font leurs affaires. Ben ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. T'en as une couple qui ont essayé d'aller s'opposer, mais on s'entend-tu que c'est une minorité? Puis effectivement, les autres avaient des obligations. Puis entre autres, dans la grosse manifestation, on va revendiquer le retrait des charges criminelles et pénales liées au conflit étudiant dans le cadre de cette grève. On pourrait tous vous donner des guns aussi. Tu sais, juste pour le fun. Là. On pourrait vous donner des guns chargés, puis quand vous serez tanné, ben vous tirerez de la police. Puis Pauline applaudira à l'Assemblée nationale. Puis, oui, les policiers sont tellement bien protégés. Ah oui, c'est ça. Les policiers, c'est pas des humains, puis c'est du monde blindé, puis matricule 728. On va vous donner des guns puis des grenades.